Vous écoutez ? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 sur le poste radio qu'on retrouve et écoute à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver. Bon, on a tendance à l'oublier à première vue, mais l'univers des arts sonores est grandement alimenté par la voix humaine. La voix, elle est bien sûr chantée, parlée, mais aussi chuchotée, parfois brisée. Ou bien cassé ou littéralement transformé. Je pense entre autres aux travaux des poètes sonores, improvisateurs, bon, Bernard Hetzeck par exemple, Pierre-André Arcan plus près de nous, Laurie Anderson, Joanne Etu, bon, j'en oublie de nombreuses. Je vous propose donc aujourd'hui une incursion dans l'univers sonore et vocal de trois artistes, dont les approches, vous verrez, sont totalement différentes. On va retrouver les voix de Mark Vernon arpentant la ville de Bruxelles, de Madeleine Kokolas évoquant sa Grèce natale et de Dori Haley qui interprète Morton Feldman et avec laquelle je débute la soirée. Bon, Dori Haley est une chanteuse soprano considérée comme une figure importante de la scène musicale contemporaine et expérimentale canadienne. Reconnue, dit-on, pour son travail et sa créativité, elle a collaboré avec des compositeurs et des compositrices de grande renommée, tels que George Apergis, Cassandra Miller, Diogène Rivas, Katharina Gimmons et Rodney Sharman notamment. Alors titulaire de diplôme en interprétation de l'Université de Colombie-Britannique et de l'Université McGill à Montréal, Dori Haley enseigne au Vancouver Community College parallèlement à des activités de concert et de création. On la retrouve ce soir au centre d'un magnifique album, une compilation en deux volets intitulée « I Love Evil », dont le premier volet est consacré à l'œuvre monumentale « Three Voices » de Morton Feldman. Bon, Feldman, une figure emblématique des nouvelles musiques, inspirée par le hasard et l'ingéniosité de nouvelles approches en composition et en instrumentation, un artiste, un créateur qui a suivi parallèlement le travail de John Cage. Alors, pour la petite histoire, Three Voices, trois voix, je traduis, de Feldman, est une création pour une voix humaine et deux bandes préenregistrées. Le texte de la pièce, qui est principalement chanté sans mots, est tiré d'un fragment du poème intitulé « Wind » de Frank O'Hara, un grand ami, dit-on, de Feldman. Alors, cette création, à la fois sonore et musicale est caractérisée par des motifs répétitifs et des phrases chantées lentement évolutives. Vous serez en mesure là, d'apprécier tout ça. L'œuvre est dédiée à Joan La Barbara, une soprano, une pionnière de la musique expérimentale américaine. Alors, la soprano canadienne Dori Haley s'est éprise de cette magnifique composition de Feldman pour nous en proposer une interprétation, ma foi, particulièrement stimulante. Alors, comme c'est une œuvre de longue durée, bon, plus d'une heure, on va en écouter ce soir un extrait plutôt substantiel toute la prochaine demi-heure. Alors, à l'écoute, Three Voices, c'est interprété par Dori Haley, volet 1 d'un très bel album intitulé I Love Evil. C'est paru chez à l'étiquette Redshift Records il y a quelques semaines. Alors voilà, on écoute ça. Oh. Alors voilà ce qui complète la première demi en compagnie de la soprano Dori Haley interprétant le magnifique Three Voices de Martin Feldman qu'on retrouve sur l'album intitulé I Love Evil paru chez Redshift Records, un album où on entend les travaux sonores de la soprano Dori Haley. Restez des nôtres, je vous reviens après la pause avec un projet de l'artiste écossais d'origine écossaise Mark Vernon à propos de la ville de Bruxelles qui nous est racontée de façon tout à fait singulière. Alors, à tout de suite. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche-Oreille. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin au microphone avec vous jusqu'à 22h. On se retrouve ce soir autour de nouveautés sonores et musicales qui illustrent les routes enchantées de la voix humaine, elle aussi soumise parfois au jeu de l'expérimentation, de l'improvisation ou encore de la narration. Et c'est sous la forme de voix narrative que l'artiste écossais Mark Vernon a développé un projet assez réussi qu'il a réalisé dans le contexte d'une résidence à Bruxelles. On était à ce moment-là en août 2022. Les extraits que je vous présente ce soir sont des évocations de la ville de Bruxelles qui nous sont présentées par de nombreuses histoires parlées, mais dont aucune n'est intégrale. Alors, Vernon raconte que les détails sont perdus au montage ou bien par l'effacement de la bande magnétique ou encore simplement par des trous de mémoire. Une voix évoque de mauvais souvenirs, une autre nous décrit une excursion en forêt parsemée de silence et de sonorités d'ambiance. Bon, il y a le gargouillement de l'eau, le bavardage superposé des gens dans l'espace public, le bourdonnement de la rue, en fait. Après avoir enregistré des Bruxellois, Bruxelloises décrivant leurs souvenirs d'enfance, Vernon raconte avoir intentionnellement abîmé la bande et partiellement effacé son contenu pour recombiner tous les souvenirs selon des séquences aléatoires. C'est pas mal intéressant, vous allez voir. Mark Vernon est un artiste sonore basé à Glasgow, en Écosse. Il travaille avec des bandes magnétiques récupérées, des procédés acousmatiques. Son travail explore les thèmes de la mémoire sur bande magnétique, l'archéologie audio, empruntant, dit-on, au voyeurisme et à la nostalgie. Il co-dirige et anime la station de radio artistique de Glasgow, Radio Frenia. Alors, on écoute une première trame, un extrait du chapitre 2 qui traite de l'inévitable destin. Ce destin toujours un peu silencieux s'est tiré de ce bel album intitulé Magneto Mori, Bruxelles, de Mark Vernon. Alors, on écoute ça. Forever, my father imagined Brussels as a city of the future, a city of the future past. And he thought with a pained smile of the small house in Ixelles, in the immediate neighborhood of the city, where he'd spent his childhood, playing marbles in the damp courtyard, waiting for his dad to come home. All hope died in him in the late afternoon, to return the following day with a quiet inevitability of fate. And now, age 70, it finally realized time was not reversible. It lost hope for good. He confusedly understood nobody was ever coming back. And there were voices in his head now. The voices followed him everywhere. His own memories blended with the memories of others. His story became their stories. I remember falling. I just remember falling. Watching beauty. One of my earliest memories. Closing. Out of breasts, and we were. Well, I don't remember the landscape, and then I remember really light coming in at the same time. These were precious. So, my earliest memory, I do remember, same place. Driving across a very flat. I was living with my grandparents, so it's very likely that my first memory. Thank you. the light in this house is very special, and I think that's one of my earliest memories, how the light would look in this beautiful house. And I remember that when I was little, I would sit for hours and just watch the garden and how the light will interact with the space. And I have this really soft memory of just nothing and just a feeling of just watching beautiful light. And for me, at first, it was a bit strange because it was like creating a new life in this place where I already had so many memories, and it felt like I was overlapping or rewriting something on the same page and sort of erasing then what I had lived there in order to make space for new memories. This is really my earliest memory, because I always sort of was very aware to keep it and to remember it and to make sure that it's not a memory that is that I took up from stories or something like this. It would. And this I memory loved. Is I was probably around 2 or 3 years old. It had snow. It was actually from my England and. That I took up from stores or something like this. This memory is probably around 3 years old. Some way, even if it isn't, the scar is still there. I think it was in St. Andrews, which was with a caravan, and we went we were up on a kind of high place cliff, and I just remember it was we were staying in the caravan. I must have been at that age. I must have been. I think I was maybe brother is six. Younger than me, so and I remember he would say, "Never that I." Alors voilà, c'était Mark Vernon, un extrait de ce projet de voix inspirée des souvenirs d'une ville, le Bruxelles un peu trafiqué de Mark Vernon. Alors, pour clore la soirée, je vous propose cette fois un extrait du dernier album de l'artiste sonore et musicienne Madeleine Kokkola, un album intitulé Synthesis qui explore les liens qui unissent la voix, les lieux et la mémoire. Alors, en retraçant les pas que j'ai parcourus dans ma Grèce natale, dit-elle, j'ai tissé des compositions qui reflètent toute une gamme d'émotions relatives aux souvenirs du temps passé. Madeleine Kokkola est une compositrice, productrice et chercheuse australienne. J'ai déjà présenté son travail. Elle est actuellement basée à Tokyo, au Japon. On écoute un extrait de cet album intitulé « Synthesis » de Madeleine Kokkola, une trame intitulée « Théorie de la divination ». Alors, on écoute ça. Thank you.